Le temps passe trop vite et nous sommes loin d'avoir épuisé la musique. Que diriez-vous d'un peu de repos et de calme? Vous avez été super. Super. Alors, au plaisir de vous retrouver. Ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye. Arrivederci. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Adios. Adios. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit, les petits.